Je donne mon avis, je te juge pas. Je te dis pas que t'es une pute, mais seulement que t'as des airs. Et ceux qu'on est, ce sont la misère. Remarque avec le temps, les frères serrent. J'étais pour ton jouir, mes airs. De nos jours, y'a trop de salopes, plus de mandats, serre. T'as pas de tu à nulle part. Comment t'y prends, c'est écrit nulle part. Tu fais rien, je vais marcher dessus. Chacun prend ça pour tout le monde, va manger, mais y'a qu'une part. J'ai toi que les actes ne valent pas les mots. Quand tu parles, ils veulent avoir le dernier mot, hein. Fais comprendre si je trouve pas les mots, plutôt que faire qu'un état nous considère comme des animaux, hein. On a trop faim, ils ont trop faim. Même si tu sers des tueurs qui te diront que c'est trop fin. Tout le monde se moque des conséquences, il est fort quand vous mettez dans les blocs, on se demande qui sera le prochain. Même ton prochain, tu te vends de nos jours, tout s'achète normal, les temps sont durs. Faut miser sur le long terme, on bâtirait un empire, faut des fondations dures. Ils font les rails, ils sont durs. Tu tapes des rails, tu fais le dur. T'es dans beaucoup d'histoires, quand ta chance est avec toi, tu te dis pourvu qu'elle dure. Ton passé te poursuit, faut ton quoi qu'il arrive, on échappe pas au destin. De toute façon, rien ne sert de parler. S'ils font à la guerre jusqu'à qu'il en reste un. Ils sont seuls ou en équipe, chacun s'équipe. Pour défendre, certains perdent la tête, pour tout l'équipe. Certains s'équipe, pour défendre. Faut trop qu'on soit seul ou en équipe, chacun s'équipe. Pour défendre, certains perdent la tête, pour tout l'équipe. Certains s'équipe. Viens battre avec nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. J'ai gardé une musique, mes frères. Me disent, lâche pas, y'a des choses à faire. Viens battre avec nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. C'est comme une musique, mes frères, me tu se lâches pas, y'a des choses à faire. Viens pas te mettre nos affaires. On vit les dépêts sur la célèbre. Il suffit pas de paraître, il faut l'être. Et ceux qui tuent et ceux qui pénètrent. Et ceux qui touchent et ceux qui pénètrent. Pour savoir faire et de s'y connaître. Y'a trop de faux et très peu d'honnêtes. Y'a trop de fils de pute qui méritent qu'on les reprenne à coups de taquet dans la pommette. La vie est dure alors il faut l'être. Ça soucie à beaucoup d'hommes qui avalent. Beaucoup font les voyous sous l'effet du caillou incalibré. Beaucoup d'hommes qui avalent. Je vois l'inspecteur qui pisse ta balle. Cherche une augmentation de salaire. Pour toi ce soir on dit ta mère. Le monde sait que t'as balancé, je pas la vie de ta mère. Tire en l'air et le monde s'écarte. C'est que d'une étincelle pour que le bras départe. Crois-moi l'avenir ce n'est pas dans les cartes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas que les meilleurs qui partent. Ça collectionne les cartes, tout comme les carteurs. Pour ceux qui font un salaire en un quart d'heure. Crois-moi pour toi pour faire du build, y'a pas d'heure. Pour ceux qui font des roues arrière en débardeur. Les petits partent de rien, ils ont pas froid aux yeux, les petits ont peur de rien. Ne te fie pas aux apparences. Surtout certains sont des voyous, ils ont l'air de rien. Rien n'est acquis, faut toujours faire plus. On a la tête dans les nuages comme dans un Airbus. Par contre ce que je vis, je ne m'invente pas de vie. Je crois que j'en ai assez du pour ton gentil régal. Viens pas se mettre nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. C'est comme une musique, mes frères me disent lâche pas, y'a des choses à faire. Viens pas te mettre nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. C'est comme une musique, mes frères me disent lâche pas, y'a des choses à faire. Viens pas te mettre nos affaires. Autour on équipe, chacun s'équipe. Pour défendre, certains perdent la tête, pour toute l'équipe. Certains s'équipe, pour détendre. Faut qu'on soit seul ou en équipe. Chacun s'équipe, pour défendre. Certains perdent la tête, pour toute l'équipe. Certains s'équipe. Viens pas te mettre nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. C'est comme une musique, mes frères me disent lâche pas, y'a des choses à faire. Viens pas te mettre nos affaires. On ne parle pas de ce qu'on va faire. C'est comme une musique, mes frères me disent lâche pas, y'a des choses à faire. Viens pas te mettre nos affaires. Autour qu'on soit seul ou en équipe. Chacun s'équipe. Pour se défendre, certains perdent la tête pour du liquide, certains se liquide, pour se détendre, pour tout qu'on soit seul ou en équipe, chacun s'équipe, pour se défendre, certains perdent la tête pour du liquide.